Le sang, le saint serviteur. Amen. Le sang de Dieu, le sang d'Israël, le sang toi. Et ça sera monté au sang, le sang de saint. Seigneur, tendez, si vous t'aimez, l'odeur du salut, les tout puissants. Oh, oh. Éternel Eyo Makasina, Makasina. Éternel Eyo Liba, Liba. Makasina, Mamo, Mamo, Lina. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Bien-né, oh oui, à la bonté du Seigneur. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Pour Dieu, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur les trônes. Je fléchis mes genoux, oui, fléchis mes genoux pour l'adorer, lui seul, lui seul. J'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, t'adorer. Yahweh, ce qui n'a pas de mal à yo, ce qui n'a pas de mal à qui t'a beaucoup à yo, Ezanatina, Ezanatina. Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Hey, Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nye mwambani salama, nye mwambani salama, nye mwambani salama, nye mwambani salama, nye mwambani salama. Zambe yeso yo, Hosanna Zambe, Hosanna Zambe, Hosanna Zambe. ngai kanu yesu ke mukalenga wapakalenga nangu wapanganga mushikeju wansundu mreleshu wapampumpa nzami wa izalela yesu ke champion wa niwe nasha bamba bamba chamanya yesu ke mukalenga wapakalenga yesu ke champion wa niwe nangu mkwa buwa memu kufuwa nkite ni yesu mwana wanzambi mtu watijiru ni nikelu Dina ya Yesu, nditamba meno wansu Kakwele mkwapu wa memo kwembila Zambi wapang zambi, fumu wapang fumu Mujikeji wansu ndu, mwondo pi wa masama Yeyo yo yo Kakwele mkwapu wa zambi wa memo kwembila Anu Yesu mwana wa zambi Mtu alijilu nindekelu Nanga wapang, mwondo pi wa masama Mufiji wapang, mufiji